Commentaire du Credo par saint Thomas d'Aquin, traduit du latin au français par un moine de Fontgombault, dans la publication des Nouvelles Éditions Latines en 1969. Première partie, le prologue. La foi est le premier bien nécessaire aux chrétiens. Sans elle, personne ne mérite le nom de chrétien fidèle. La foi produit quatre biens. Premièrement, c'est par la foi que l'âme est unie à Dieu. Par elle, en effet, l'âme chrétienne contracte avec Dieu une sorte de mariage. Conformément à cette parole du Seigneur à Israël, je t'épouserai dans la foi. Aussi, lors de la réception de son baptême, l'homme confesse-t-il d'abord sa foi, en réponse à la question qui lui est posée, croyez-vous en Dieu? La raison en est que le baptême est d'abord le sacrement de la foi. Le Seigneur lui-même le dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Car sans la foi, le baptême est inutile. Aussi, il faut le savoir, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Comme l'apôtre le déclare aux Hébreux, il est impossible sans la foi de plaire à Dieu. C'est pourquoi saint Augustin, dans son commentaire de cette parole, Tout ce qui ne procède pas de la foi est péché, écrit, Là où fait défaut la connaissance de la vérité immuable et éternelle, il n'y a pas de vertu véritable. Le second bien produit par la foi, c'est de commencer en nous la vie éternelle. Car la vie éternelle n'est rien d'autre de connaître Dieu. Selon la parole du Seigneur, la vie éternelle, c'est qu'il vous connaisse, vous, le seul vrai Dieu. Cette connaissance de Dieu qui s'inaugure ici-bas par la foi atteindra sa perfection dans la vie future, où nous le connaîtrons tel qu'il est. Aussi est-il écrit dans l'Épître aux Hébreux, La foi est la substance des réalités espérées. Personne donc ne peut parvenir à la béatitude éternelle, qui consiste à connaître Dieu véritablement, si d'abord il ne le connaît par la foi. Aussi le Seigneur déclare-t-il, Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Le troisième bien opéré par la foi, c'est de diriger la vie présente. L'homme, en effet, pour bien vivre, a besoin de savoir ce qui est nécessaire pour mener une vie vertueuse. Et s'il devait apprendre par l'étude toutes les choses nécessaires pour bien vivre, l'homme ne pourrait pas y parvenir, ou bien il n'y parviendrait qu'au bout d'un temps considérable. Or, précisément, la foi enseigne tout ce qu'il faut savoir pour vivre sagement. Elle nous apprend en effet l'existence du Dieu unique. Elle nous révèle que Dieu récompense les bons et punit les méchants, qu'il existe une autre vie et autre chose semblable. Ces connaissances nous incitent suffisamment à faire le bien et à éviter le mal. Mon juste, dit en effet le Seigneur, vit par la foi. Et cela est si manifeste qu'aucun philosophe avant l'avènement du Christ, par tous ses efforts, ne put en savoir autant sur Dieu et les vérités nécessaires à la vie éternelle qu'une vieille femme, après l'avènement du Christ, au moyen de sa foi. C'est pourquoi le prophète Isaïe a écrit, La terre a été remplie de la connaissance de Dieu. La foi produit un quatrième bien, à savoir la victoire sur les tentations. Comme le déclare l'Épître aux Hébreux, les saints par la foi ont vaincu des royaumes. La vérité de cette assertion est manifeste, car toute tentation vient soit du diable, soit du monde, soit de la chair. Le diable nous tente pour nous empêcher d'obéir à Dieu et de nous soumettre à lui. Or, c'est par la foi que nous repoussons la suggestion du malin, car par elle nous savons que Dieu est le maître de tout, et donc que nous lui devons obéissance. Aussi saint Pierre déclare-t-il, Votre adversaire, le diable, est là, qui rôde, cherchant qui dévorer. résistez-lui ferme dans la foi. Quant au monde, il nous tente en nous séduisant par ses biens et en nous terrifiant par ses adversités. Mais la foi nous donne de triompher de ses assauts en nous faisant croire à la réalité d'une vie meilleure que la vie présente. Voilà pourquoi, grâce à la foi, les prospérités de ce monde, nous les méprisons, et les adversités, nous ne les redoutons pas. Comme l'écrit saint Jean, la victoire qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Et la foi nous donne également la victoire en nous enseignant qu'il n'y a des maux bien plus grands, à savoir ceux de l'enfer. Enfin, la chair, elle aussi, nous tente, en nous entraînant vers les délectations passagères de la vie présente. Mais la foi nous montre que par ces délectations, si nous nous y attachons indûment, nous perdons les délices de l'éternité. Aussi l'apôtre nous donne-t-il cet avertissement : tenez toujours en main le bouclier de la foi. Ce que nous venons de dire, touchant les biens produits en nous par la foi, nous montre clairement sa très grande utilité. Mais on peut objecter, il est absurde de croire à ce qu'on ne voit pas. Donc nous ne devons pas croire à ce que nous ne voyons pas. On peut donner quatre réponses à cette objection. Voici la première. Cette difficulté, l'imperfection de notre intelligence, l'a réduite à néant. Car si l'homme pouvait parfaitement connaître par lui-même toutes les réalités, visibles et invisibles, ce serait une sottise de croire à ce que nous ne voyons pas. Mais notre connaissance est si débile qu'aucun philosophe n'a jamais pu découvrir exactement la nature d'un seul insecte. Aussi lisons-nous qu'un philosophe vécut 30 ans dans la solitude pour connaître la nature de l'abeille. Si donc notre intelligence est si faible, n'est-il pas insensé de ne vouloir croire de Dieu que ce que l'homme peut connaître par lui-même? C'est pourquoi nous lisons à ce sujet dans Job : Dieu est si grand qu'il dépasse notre science. Je réponds en deuxième lieu. Faisons l'hypothèse suivante : un professeur avance une vérité acquise par sa science devant un homme inculte. Et voici que ce dernier nie cette vérité parce qu'il ne la comprend pas. Que dira-t-on de cet homme inculte, sinon qu'il est très sot? Or, c'est un fait, l'intelligence des anges dépasse l'intelligence des philosophes, beaucoup plus que l'intelligence du philosophe le meilleur ne dépasse l'intelligence de l'homme sans aucune culture. C'est pourquoi le philosophe qui refuserait de croire au dire des anges serait un sot. A fortiori, le serait-il s'il refusait de croire ce que Dieu affirme. À ce sujet, il est dit dans l'Ecclésiastique : Mon fils, on vous a montré des vérités nombreuses qui surpassent l'intelligence des hommes. En troisième lieu, si un homme voulait croire seulement à ce qu'il connaît, il lui serait certainement impossible de vivre en ce monde. Comment en effet pourrait-il vivre s'il ne croyait personne ? Il ne croirait même pas que l'homme qui est véritablement son père est bien son père. C'est pourquoi il est nécessaire à l'homme de croire autrui au sujet des réalités qu'il ne peut connaître parfaitement par lui-même. Mais personne n'est plus digne de foi que Dieu. Aussi, ceux qui ne croient pas les vérités de la foi, loin d'être des sages, sont des sots et des orgueilleux. L'apôtre écrit en effet dans la première épître à Timothée : Celui qui ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ est un orgueilleux et un ignorant. C'est pourquoi saint Paul, dans sa deuxième épître à ce même disciple, écrit : Je sais en qui j'ai cru, et je n'en doute pas. Et de son côté, l'Ecclésiastique dit : Vous qui craignez le Seigneur, croyez-le. On peut enfin répondre que Dieu prouve la vérité des enseignements de la foi. Si un roi en effet envoyait des lettres scellées de son sceau, personne n'oserait dire que ces lettres ne proviennent pas de la volonté de ce roi. Or, tout ce que les pères ont cru et nous ont transmis dans le domaine de la foi est visiblement marqué du sceau de Dieu. ce sceau divin, ce sont les œuvres que nulle créature ne peut accomplir et que nous appelons les miracles. C'est par eux que le Christ a confirmé les enseignements de ses apôtres et de ses saints. Si vous me dites « des miracles, personne n'en a vu l'accomplissement », je vous réponds « le monde entier adorait les idoles et persécutait la foi des Christs ». C'est là un fait certain, attesté même par les historiens païens. Cependant, actuellement, tous, et les sages, et les nobles, et les riches, et les puissants, et les grands, se sont convertis au Christ, et par la prédication d'un petit nombre de pauvres et de simples, leur annonçant Jésus-Christ. De deux choses l'une, ou bien ceci a été fait à l'aide de miracles, ou bien non. Si oui, j'ai répondu à votre objection, et si c'est non, je dis qu'il ne peut pas y avoir de plus grand miracle que de convertir le monde entier sans miracle. Ne cherchons donc pas d'autres démonstrations. Ainsi donc, nul ne doit douter de la foi, mais tous doivent croire davantage aux vérités de la foi qu'à ce qu'ils voient. Car la vue de l'homme est sujette à l'erreur, tandis que la science de Dieu est toujours infaillible.